château en Espagne, une grosse bagnole, ce n'est pas pour moi, une petite maison de campagne, près de mes amis me suffirait. Faire gonfler mon compte épargne par le bagne, c'est pas pour moi. Moi je préfère au champagne, un bon pack de 12 à partager. Vous pouvez prendre mes Guiseppe et Versace, je n'en veux pas. L'important c'est que j'ai près de moi tous les gens que j'ai toujours aimés. Une lampe au chante avec Kinvé, un jet privé, j'en ferais quoi. Je préfère être tranquille chez moi et conserver ma simplicité. Leur billet violet, tu vois, je leur laisse. L'argent ne me tient pas au bout de sa laisse. Car c'est au plus profond de soi, je trouve la vraie richesse. Moi, c'est entouré des miens que je me sens privilégié. Je n'ai pas besoin de l'agonie d'une cage dorée, encore moins d'une bimbo sans silicone. Ce n'est pas une info, si toutefois tu me connais, l'argent c'est comme l'ego, ça peut te faire changer. Moi je reste le même, entouré des gens que j'aime. Mon âme n'est pas à vendre, donc tous ces millions ne peuvent pas m'acheter. Leur billet violet, tu vois, je leur laisse. L'argent ne me tient pas au bout. C'est entouré des miens que je me sens privilégié. J'ai juste besoin de monnaie, monnaie pour mettre à l'abri la maman. J'ai juste besoin de monnaie, monnaie pour avoir un toit au-dessus de moi.